battre à vos forces. Un jour faut se faire une raison humaine. Je vous donne vos carapaces et une pastèque. Tu resteras jamais noir, ultra blanc. Je suis sûr t'es même pas bio dégradant. Même pas besoin de tickets restaurant. Quand on est négro et musulman. Les plus vieux me disent, Kofi, c'était quand même mieux du temps des Blancs. C'est extraordinaire comme aveu d'échec. C'était quand même mieux du temps des Blancs. Non, ce n'est pas vrai. C'est impossible. Lis dans ton cœur, tu sauras que c'est vrai.